Et donc je donne ici pour maintenant pour la deuxième année, la dernière année, parce que ce n'est pas possible de le prolonger une troisième fois, donc une course supplémentaire de 12 conférences de 2 heures. Donc l'année dernière, donc, le sujet était donc justement le sujet, les aventures du sujet au tourisme, donc du fétichisme de la marchandise, donc et tel qu'il a été d'abord analysé et décrit par Karl Marx, et en réalisant ce concept surtout à travers l'analyse qui a été faite par ce qu'on appelle la critique de la valeur, donc un courant international de critique sociale né d'abord en Allemagne autour des revues Crisis et Exit dans les années 80 qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et donc il y a aussi maintenant beaucoup de livres traduits, et moi-même dans le livre Les aventures de la marchandise, publié en 2003 avec Desnoëls, j'avais donné un résumé de cette approche, donc, qui est une approche marxiste mais au sens assez large à la réalité sociale. Donc l'autre œuvre principale disponible en français est l'œuvre de Moshe Postone qui s'appelle Temps, travail et domination sociale. Alors la prochaine fois je vais amener donc une bibliographie, donc aujourd'hui donc je n'ai pas pu le faire aujourd'hui parce que je devais d'abord vérifier donc où faire les photocopies ici à l'école, donc à la deuxième séance, donc je vais amener une bibliographie est une calendrier précis des séances prévues. Donc le cours de l'année dernière donc devait avoir une première partie essentiellement autour de la critique de l'économie politique de Marx et surtout autour du concept du travail abstrait. Et après, il devait y avoir une deuxième partie, surtout autour du concept de fétichisme en anthropologie et à travers le caractère exceptionnel de l'économie marchande dans l'histoire humaine. Donc là, on a regardé surtout les œuvres des anthropologues Émile Durkheim, Marcel Mauss et Karl Polanyi. Pour passer ensuite à la naissance de ce qu'on peut appelé les sujets modernes, la forme sujet moderne à partir de la Renaissance, donc surtout à travers la genèse de l'idéologie économique, donc comment on a commencé à proposer une définition de l'être humain, surtout en tant que personne qui cherche son profit personnel, une chose qui n'avait jamais existé avant dans l'histoire. Donc nous avons vu un peu la genèse chez des auteurs, notamment chez des auteurs anglais comme Mandeville, Locke, Hobbes et d'autres, pour ensuite passer aussi à la genèse philosophique du concept de sujet chez René Descartes et Immanuel Kant notamment. Et nous nous sommes arrêtés à ce point-là. C'est-à-dire, on a fait à peu près l'année dernière la moitié de ce qui était prévu pour faire pour une année. Donc, heureusement, l'école a accordé une deuxième et dernière année. Comme je dis, le règlement prévoit que ces cours ne peuvent durer que 2 ans. Et donc, toute la deuxième partie donc, doit se dérouler cette année. Donc, c'est-à-dire, la deuxième partie donc, sera centrée essentiellement autour de l'annonce du lien entre fétichisme et narcissisme. Et donc du côté subjectif, disons, de la société marchande, donc quelle forme sujet, quel être humain pratiquement habite la société marchande, dans quel sens, quelle forme de subjectivité et en même temps la cause et la conséquence de la société marchande. Donc comme je dis, c'était prévu comme deuxième partie du cours de l'année dernière, maintenant on a toute une année entière pour le faire mieux. Et de toute manière, il faut la terminer cette année. Alors, côté pratique, d'abord je vous prie chaque fois de signer pour chaque séance le cahier de présence. Ça sert aussi pour démontrer à l'école qu'on est quand même pas seulement deux ici. C'est utile que l'école sache qu'il y a quand même un certain public ici. Donc, alors, en principe, on devrait faire 2 séances en novembre, 2 en décembre, 2 en janvier, 3 en février, non, c'est pas en février, je vois 3 en janvier, 2 en février. De toute manière, il y a effectivement une 5e, une cinquième mardi du mois. Et en principe, on devait terminer, je pense, avec les 12 rencontres, avec les vacances de Pâques. Il est quand même possible que je dois une ou deux fois sauter une cour à cause de d'autres obligations. Dans ces cas-là, soit on va le mettre au milieu entre deux cours, soit on va le faire récupérer au mois de mai. Mais évidemment, tout changement, je vais le communiquer ici, aussi tenter de le faire afficher sur le site de l'école, et on va aussi mettre, peut-être faire la prochaine fois aussi une liste avec les adresses e-mail. Aujourd'hui, on rentre, parce que l'année dernière, on était peut-être un peu plus nombreux. Peut-être n'est pas nécessaire de demander un changement de salle. De toute manière, on m'a dit que c'est très difficile de changer de salle. J'avais aussi, effectivement, l'année dernière, on se voyait à 13h, j'avais effectivement voulu changer d'horaire pour faciliter la participation des gens qui travaillent, mais je semble que cela n'a pas fait sortir personne de l'usine ou du bureau. Ou peut-être ça va encore arriver dans les prochaines séances. Mais j'espère quand même que vous ne me faites pas toujours parler 12 fois pendant 5-20 minutes. Mais j'espère quand même que je vais laisser quand même toujours, j'espère, une vingtaine de minutes pour le débat, pour les questions à la fin. Et également, j'espère que surtout vers la fin, que peut-être quelqu'un veuille peut-être aussi faire quelques exposés en classe. Parce que tandis, l'année dernière, on était centré sur un nombre assez petit d'auteurs. Cette fois-ci, je voudrais aborder aussi un certain nombre de sociologues, de psychologues, etc. Moi, je ne prétends pas toujours d'être expert de tous les auteurs que je vous propose. Donc, si quelqu'un trouve, par exemple, dans la bibliographie que je vais distribuer la semaine prochaine, un auteur qu'il connaît bien, il serait quand même utile qu'il se propose ici, par exemple, pour faire un petit résumé, du genre 15-20 minutes, pour faire une cour moins doctrinale et plus participée. Alors voilà pour le côté pratique. Il y a d'autres questions. Le côté pratique, non. Alors donc aujourd'hui, donc je vais tenter de résumer vraiment un peu de phrases le thème général du cours. Après, je vais faire une anticipation des séances. Donc je vais à peu près dire quelle séance, quel sujet sera traité. Et après, je vais de certaine manière terminer le discours qu'on n'a pas vraiment terminé, je pense, au dernier cours en avril, c'est-à-dire la question de la forme sujet. Si je me rappelle bien, je crois qu'on s'était arrêté avec Descartes, je pense, on n'était même pas arrivé jusqu'à Kant. Donc, je voudrais au moins faire cette analyse de la genèse surtout philosophique, de la idéologique, de la forme sujet, qui d'une certaine manière forme une transition vers le volet plutôt, disons, psychologique, psychoanalytique de la question du narcissisme qui devra nous occuper pour les séances successives. Donc, le thème général, c'est de certaine manière donc, le passage, si on veut, des aventures de la marchandise, comme s'appelait le livre que j'ai écrit, aux aventures du sujet, donc qui devait être le deuxième tome que jusqu'ici je n'ai jamais réussi à terminer pour différentes raisons. Donc, tandis que les aventures de la marchandise auxquelles nous avons fait souvent... bonjour, il reste encore quelques chaises, je crois. Il y a une chaise. Oui. Donc l'année dernière, nous avons donc vu un peu dans les détails la critique du fétichisme de la marchandise faite par Karl Marx, notamment dans ses écrits, dans ses écrits tardifs, dans le Capital, le Grundrisse, et donc la critique qu'a fait Marx surtout de ces quatre catégories de base de toute société capitaliste qui sont le travail abstrait, la valeur, la marchandise et l'argent. Donc nous avons vu que ne sont pour Marx pas du tout des catégories évidentes, naturelles, qui appartiennent à toute société humaine. Marx les a analysées comme d'abord comme des catégories qui n'appartiennent qu'à la seule société capitaliste, et ensuite comme des catégories qui ne sont pas neutres, mais qui sont déjà autant que telles destructrices de la vie sociale, qui portent notamment à une inversion entre l'abstrait et le concret, à une subordination du concret à l'abstrait. Et voilà, donc, lorsque Marx a parlé de fétichisme, il ne voulait pas parler seulement d'une espèce de mystification de la réalité, parce que ce terme est souvent entendu de cette manière-là, mais il a surtout voulu indiquer une réalité donc proche de la illusion religieuse, où les êtres humains dépendent de ce qu'ils ont eux-mêmes créé, de même que dans le fétichisme religieux, l'homme croyait de dépendre du Dieu qu'en vérité il avait fait. Dans la société marchande, l'homme a créé un système économique, donc basé surtout sur la valeur qui est créée par le travail, qui produit des marchandises et qui s'exprime dans une quantité d'argent. C'est évidemment une construction sociale, mais après l'être humain se trouve face à ce système comme quelque chose de déjà complètement donné, et face auquel l'homme, la société se trouve complètement impuissante, et donc la société croit dépendre comme d'autres sociétés croyaient dépendre de Dieu. Cette espèce de dépendance de la société par rapport à la logique de la valeur est en plus quelque chose qui se situe bien encore avant toute division de la société en classes. Donc c'est une espèce de structure de base de la société marchande qui est donc à ce niveau logique de l'analyse n'a encore rien à voir avec la question qu'il existe des propriétaires des moyens de production, appelés aussi capitalistes, et d'autres qui ne vendent que leur force de travail. Après, je vais tout de suite reprendre cette analyse. Donc je dis, l'année dernière, donc, on a regardé surtout donc, cette espèce de cœur, comme je l'appelais plusieurs fois, cette espèce de cœur de ténèbres de là, du capitalisme, qui est la production de la valeur, la valorisation de la valeur, l'accumulation du capital à travers l'accumulation du travail abstrait. Donc en effet, nous avons surtout, l'année dernière, même en restant assez proche du texte marxien dans le Capital, nous avons surtout vu le concept du travail abstrait, qui d'une certaine manière est un peu au cœur, effectivement au centre de tout l'édifice théorique de Marx, et en même temps reste aussi un des concepts le moins compris, le plus mystérieux et le moins discuté encore aujourd'hui. Donc je pense que nous avons consacré au moins 4 séances, je crois rien qu'au travail abstrait. Moi, j'espère que ça valait la peine. Et je vais encore le résumer brièvement pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière. Donc dans la deuxième partie, donc il s'agit de voir quel est pratiquement le substrat humain qui existe dans cette société marchande, quels sont les sujets humains donc qui vivent dans cette société, qui en sont les produits de cette société et qui la produisent. Donc et cela est évidemment, c'est une question souvent traitée. Il s'agit pour moi ici pas non de faire seulement une analyse empirique, mais surtout d'arriver à déterminer une certaine forme du sujet capitaliste, qui d'une certaine manière serait l'équivalent de la forme marchandise, d'une forme générale qu'on peut aussi déterminer en abstrait, et qui est une espèce d'a priori, comme aurait dit Kant, qui détermine notre conscience, notre forme de conscience, notre approche au monde, encore bien avant tout contenu précis. Justement, la thèse sur laquelle je vais bien insister ici, que la forme sujet donc, n'est pas quelque chose de naturel, ce que le sujet moderne est né ensemble avec le capitalisme, et il y a une espèce d'isomorphisme, c'est-à-dire il a la même forme comme la valeur marchande, parce que ils sont toutes les deux basées sur l'abstraction, donc sur l'abstraction de tout contenu, sur une espèce de vide constituel, sur la réduction, ou disons sur la détérioration du contenu à expression plus ou moins casuel de cette réalité principale qui est l'abstraction. Dans le cas du travail, donc c'est le travail réduit à simple temps vide, à pure dépense des quantités d'énergie humaine. Je reprendrai tout de suite. Et là, comme je dis, c'est une analyse bien connue, cette analyse du travail abstrait, c'est-à-dire bien connue au moins pour ceux qui veulent s'y pencher. Ce qui jusqu'ici a été moins analyser justement la question du lien entre cette forme marchandise et la forme du sujet moderne. Il existe bien sûr des études, par exemple, sur la forme de conscience prolétarienne ou sur la forme de sur la forme de conscience de la bourgeoisie, par exemple, quelqu'un comme Bourdieu donc, a fait beaucoup, évidemment, l'a analysé longuement. Mais il s'agit, dans ce que je vous propose, de le faire à un niveau d'analyse plus élevé, de certainement de trouver une espèce de forme de conscience commune à tous les membres de la société marchande. Et justement, donc, la thèse que je propose, évidemment en suivant d'autres auteurs, je ne prétends pas d'avoir tout inventé, cette thèse que justement que le sujet moderne, donc le sujet qui correspond le plus parfaitement à la logique marchande, est un sujet narcissique. Le sujet narcissique, donc un terme, on va le voir introduit par Freud, donc de même qu'ici nous ne prenons pas le terme fétichisme au sens un peu habituel de quelqu'un qui aime trop une certaine chose ou qui fétichise les belles voitures, etc. Également, le terme narcissisme est aussi pris non seulement dans le sens de quelqu'un qui aime trop soi-même ou qui aime trop de se regarder dans le miroir, mais nous prenons le narcissisme dans le sens psychoanalytique introduit en 1914 par Sigmund Freud. Donc, essentiellement, une personne qui n'a pas une moi hypertrophique, mais au contraire, en vérité, une narcissique est quelqu'un qui a une moi assez appauvrie, donc une moi qui ne s'est pas vraiment développée dans la première enfance, qui n'est même pas arrivée vraiment à l'étape oedipienne, et qui n'a pas pu développer de véritables relations objectales. Donc maintenant, ne vous préoccupez pas par tous ces termes que je jette là, parce que je vais... Ma manière de procéder, c'est plutôt par spirale. Donc je préfère d'abord de faire les anticipations et après de le répondre chaque fois en tentant d'être chaque fois, d'ajouter des déterminations supplémentaires. Donc il s'agit donc de dire que la forme psychologique qui correspond mieux à la société marchande et le narcissisme, parce que le narcissisme se base également sur une espèce d'évidement du monde, donc une espèce de moi vide qui ne reconnaît pas vraiment l'existence d'un monde extérieur. Donc aussi le reconnaît, c'est purement formalement. En vérité, le narcissique ne connaît que soi-même, réduit tout l'objet extérieur, à commencer par son propre corps, il le réduit pratiquement à de simples extensions de son propre moi, qui en vérité est très faible. Et donc, là, donc, le narcissique, d'une certaine manière, donc déjà pour anticiper sur la thèse principale, le narcissique, donc, d'une certaine manière, il opère la même abstractification du monde qui opérait sur le plan de la production par la marchandise. Donc, il dit que toutes les marchandises sont égales en tant que valeur, parce que les valeurs ne connaissent que des quantités différentes, pas des qualités. Donc, toutes les valeurs d'usage ne sont que en tant que valeur d'échange, ne représente que différentes quantités de valeurs et donc d'argent. Et même pour le narcissique, en vérité, ne peut pas reconnaître l'autonomie du monde extérieur d'autres êtres humains, chacun avec son autonomie, avec sa propre histoire. Le narcissique, en vérité, réduit tout le monde également à des projections de son propre moi. Donc l'affirmation que je fais, évidemment, je dis évidemment, en utilisant d'autres auteurs, c'est de certaine manière que c'est le narcissisme, la forme qui le mieux correspond au sujet du capitalisme. Là, comme on va voir, cette affirmation a été faite plusieurs fois dans les dernières années. Il existe, surtout en France, depuis peut-être 15 ans, différents auteurs comme Danny Robert Dufour qui insiste sur cette analogie, sur ce parallélisme entre l'époque néolibérale et l'explosion du narcissisme comme phénomène social. Et le premier qu'il a noté, et on va lui consacrer, je crois, une séance entière, c'était l'Américain Christopher Lesch avec son livre pionnier La culture du narcissisme en 1979. Et donc, je vais me référer à cette théorie, mais en même temps, je veux souligner que cette théorie ne va pas assez loin, parce qu'il lie le narcissisme seulement à la phase extrême du capitalisme, à la phase que nous pouvons appeler néolibérale ou postmoderne, donc qui a commencé essentiellement dans les années 70 et surtout dans les années 80. Et ici, pour moi, il s'agit de démontrer que le capitalisme, la société de la valeur, contient déjà dans son corps même, dans, pratiquement une structure narcissique, une espèce de négation du monde. On le trouve déjà, c'est là très clairement déjà chez Descartes, et ensuite c'est Kant, chez Emmanuel Kant. Et donc, et de même que la structure, la logique de la valeur a une longue préhistoire, mais n'a pu que se imposer que peu à peu, à travers sa durée des siècles, pratiquement pour la logique de la valeur, à se libérer de son mélange avec d'autres structures plus archaïques, plus féodales, etc. De même également la structure narcissique de la personnalité, même si elle trouve ses racines, je dis probablement déjà également à peu près à la Renaissance, peu après, même cette structure narcissique donc également a pu pratiquement seulement se dégager au cours de siècles. Pendant longtemps, pendant la phase ascendante du capitalisme, comme vous savez, la caractéristique principale du psychologique du capitalisme, c'était tout au contraire, c'était le caractère névrosé, donc l'objet principal de la psychoanalyse, donc c'était au contraire donc le caractère, comme disait Freud, anal, donc le caractère qui travaille, qui épargne, qui accumule, qui renonce au plaisir immédiat pour se consacrer à la production et qui renvoie toujours la jouissance à plus tard, qui donne justement la structure névrosée de la personnalité et qui Freud a donc lié aussi à la structure autorité de la société, au complexe d'Édipe, donc à la menace de castration, où les individus intériorisent pratiquement les figures paternelles et ensuite d'autres autorités, pratiquement pour également apprendre à renoncer au plaisir. Donc là, c'était l'analyse classique de Freud, qui a beaucoup, comme vous savez, Freud n'avait pas particulièrement longtemps son de critiquer le capitalisme, donc pour lui, ça restait quand même une des études des pathologies appliquées. Et ensuite, d'autres ont tiré aussi des conséquences politiques, bon, par exemple, ben, c'est connu d'abord avec des psychoanalystes comme Wilhelm Reich, et ensuite dans les années 60 et 70 avec ce qu'on appelait le freudo-marxisme, c'était devenu même très à la mode de indiquer justement la structure répressive du capitalisme, de indiquer donc justement dans l'individu qui croit à l'autorité, qui travaille dur, qui réprime ses pulsions sexuelles, etc., le fondement du capitalisme qui souvent même jugé indispensable pour la poursuite du capitalisme au point qu'il était assez typique d'un certain même climat culturel autour de 68 de croire que si on battait en brèche donc ces structures répressives, le capitalisme pratiquement aurait rapidement perdu même sa base dans la reproduction de la vie quotidienne et le capitalisme n'aurait jamais pu vivre avec d'autres formes de mentalité que la traditionnelle forme autoritaire. En vérité, c'était déjà à cette époque-là, et en bonne partie aussi à cause justement de cette contestation de 68, qu'une nouvelle forme de forme sujet, une nouvelle étape du forme sujet s'est mise en place, qui était justement la forme narcissique, qui au cours enfin, de assez peu de temps, peut-être en 30 ans, a souvent imposé une type humaine qui n'était assurément pas plus libre, plus épanouie, mais qui quand même, au moins à l'apparence, était à peu presque le contraire du type répressif précédent. Donc c'était maintenant donc, la personnalité justement narcissique, donc, renie pratiquement toute intériorisation des structures autoritaires, ensuite parce que, pour le dire en termes psychoanalytiques, il n'arrive en vérité même pas au conflit oedipien qui quand même présuppose la reconnaissance de l'autre, ou de l'autre avec majuscule, si on veut suivre Lacan. En vérité, donc, les narcissiques, on va voir beaucoup tout cela beaucoup plus dans le détail, reste à un stade beaucoup plus archaïque de son développement. Et en vérité, donc, il n'arrive donc même pas à passer par les douleurs du conflit oedipien, qui quand même sont une certaine prise de la réalité. Donc, les narcissiques restent d'une certaine manière attachés à une forme très archaïque et primitive de principe de plaisir. Et donc toute sa reconnaissance du monde extérieur, d'une certaine manière, ne reste que certaine manière que fictive et formelle. Donc son intérieur, le narcissique, d'une certaine manière, reste convaincu qu'il n'existe que lui au monde, et que tout l'extérieur, donc surtout tous les autres êtres humains, n'existent que pratiquement que pour lui faire plaisir, ou de toute manière, existent pratiquement pour lui. Donc cela va beaucoup au-delà d'une question d'un égoïsme dans le comportement. Bien sûr, souvent cela s'accompagne aussi de comportements très, très égoïstes ou très égoïques, mais la chose est plus profonde, comme nous allons voir, et donc se mêle de très fortes doses, surtout d'agressivité, de destructivité. C'est parce que le narcissique, ne pouvant pas reconnaître l'existence réelle de rien au-delà de lui, il ne peut en vérité aussi tirer aucune satisfaction réelle du monde extérieur, par exemple des rapports amoureux, parce qu'il ne s'engage réellement en rien. En vérité, il est toujours une forteresse assiégée, comme, préoccupée exclusivement pour sa propre survie, comme l'avait déjà beaucoup souligné Christophe Lasch. Alors, donc, ici, donc, on va se référer donc, à différentes études sur le narcissisme, mais je tente toujours d'aller au-delà, parce que je trouve que pratiquement toutes les études, pour importantes qu'elles soient, où ils se préoccupent presque pas du tout de causes vraiment sociales de cette diffusion du narcissisme, où ils donnent des explications qui me semblent comme assez superficielles, qu'il est lié à des facteurs, je ne sais pas, quand même relativement trop récentes, disons par exemple le chômage ou la destruction de l'état social et toutes les formes de solidarité qui poussent les individus à être toujours plus égoïstes, donc à vivre toujours dans une espèce de guerre de tous contre tous. Cela, comme je dis, est vrai, évidemment, que les réformes néolibérales ont beaucoup augmenté l'impression que chacun est pour soi et contre le reste du monde, qu'il n'existe plus de solidarité collective, plus de classe, plus de quartier, plus de syndicats, plus d'église, que chacun lutte pour sa propre survie. Donc, je dis, ces analyses sont absolument justes, mais comme je dis, je trouve qu'ils n'arrivent pas véritablement à la racine, ils n'arrivent pas avoir le fort parallélisme entre la structure narcissique de la personnalité et la forme marchande de la production. On pourrait justement l'indiquer dans le terme latin, la reductio ad unum. Donc ça veut dire de tout réduire à une seule chose, de même que, on va encore le voir mieux, le travail abstrait et la marchandise pratiquement réduisent toute la multiplicité des activités humaines et de leurs produits à n'être que, comme le dit Marx, des cristallisations d'une seule gelée que le travail abstrait mesuré seulement par le temps. Donc, de même que le travail abstrait pratiquement réduit tous à égalité et ne connaît que pratiquement la différence qualitative. Également, donc le narcissique, pratiquement le forme sujet moderne, pratiquement réduit toutes les différences, toutes les individualités, d'abord des personnes, parce que le forme sujet, justement, n'a rien à voir avec l'individualisme, avec l'individualité. La forme sujet consiste justement dans l'identification du sujet, surtout avec la nécessité de travailler, et donc avec l'intériorisation de toute une série d'aptitudes, de qualités, d'attitudes qui justement permettent qu'on soit reconnu comme un sujet. Donc cela, là aussi, c'est un procès historique, je vais en parler aujourd'hui, justement, et le sujet donc, n'a jamais été identique à l'être humain avec ses besoins, avec ses désirs. Donc historiquement, le sujet longtemps a été surtout le mâle blanc occidental. C'était justement le fait d'avoir ces qualités-là, donc surtout l'esprit de travail, l'esprit de sacrifice, même si on n'était pas surveillé. L'épargne, donc le fait de ne pas tout de suite gaspiller tout de suite, de faire des projets à long terme, etc. Donc il y avait toute une série de qualités qui étaient les qualités à l'époque de l'homme capitaliste naissant, qui seul faisait qu'on était considéré un sujet. En effet, le terme, la conception du sujet était au moins dans un premier temps, même juridiquement limité en général, et d'abord au mâle, ensuite au blanc, et également normalement au chef de famille et aux personnes qui avaient de toute manière une propre base économique. Donc déjà là, le sujet donc, n'était jamais certainement une qualité avec laquelle on naît simplement. Je vais le répondre déjà, par exemple, assez différent, par exemple, avec l'âme chrétienne. Quand même, le christianisme avait au moins ce côté sympathique que chacun était doté d'une âme, au moins depuis que, je crois, le 4e concile du Latéron avait quand même décidé finalement que les femmes aussi avaient une âme. Il semble que le père de l'Église avait quelques doutes, mais après cette décision, on peut quand même dire que pour l'Église, et donc l'Église, même si c'était. Peut-être, les conséquences peut-être étaient différentes, mais l'Église a comme insisté que même les Noirs, que même les Indiens dans le Nouveau Monde, etc., avaient des âmes. Donc c'était quand même, pour la conception chrétienne, l'âme est comme quelque chose avec laquelle on naît. On rentre dans le monde. Tandis que le sujet, donc, tel qu'il a été formulé à partir du XVIe siècle, et surtout du XVIIIe siècle avec les Lumières, la forme sujet est quelque chose qu'il faut mériter, il faut travailler de certaine manière, il faut surtout travailler pour soi-même pour avoir de certaine manière le droit d'être considéré un sujet. Et historiquement, là aussi, donc on va le voir beaucoup mieux, donc l'accès au statut de sujet, souvent qui était mesuré par exemple par le fait d'avoir le droit de vote ou d'avoir le plein droit juridique, donc l'accès au statut du sujet était souvent lié au fait que la personne, au moins les catégories, démontrait à peu près qu'il avait pratiquement intériorisé exactement les qualités qui étaient requises pour être un sujet. Par exemple, surtout, donc, par exemple, et donc l'autodéfinition comme un travailleur, et comme quelqu'un donc, qui exerce donc ses devoirs civiques, familiales, etc., même s'il n'est pas tout le temps surveillé. Justement, le domestique classique, par exemple, c'est aussi un sujet de beaucoup de littérature. Dès que le maître lui tournait le dos, par exemple, il ne travaillait plus parce qu'en vérité, il n'avait pas intériorisé. Cela était aux yeux de sujet de maître, par exemple, un signe de son infériorité. Donc, il était certainement comme un enfant qui devait encore être éduqué. De même, toujours du point de vue de la forme sujet, la femme n'était pas considérée de sujet à titre entier parce que dès qu'on la laissait, par exemple, se laisser guider par leurs sentiments, par le sentimentalisme, elle aurait peut-être donné tout l'argent aux mendiants dans la rue, etc. Et donc, c'est à peu, donc, l'accès de ces catégories, c'est-à-dire d'abord des femmes et ensuite des populations non, par exemple, non occidentales, non blanches, étaient souvent liées justement et arrivées dans la même, même mesure que ces catégories-là démontraient au monde dans le moyen collectivement que maintenant on pouvait se fier d'eux qu'il était pratiquement devenu des sujets comme les autres. Donc ce lutte donc, n'était pas nécessairement de lutte d'émancipation comme une mythologie de gauche l'affirme depuis 200 ans, mais en général donc, cette espèce de statut était en général concédé aux gens lorsqu'il était pratiquement plus nécessaire de le surveiller tout le temps. Et donc cette intériorisation des contraintes, d'ailleurs, bah, évidemment que c'est important dans une vision de l'histoire proposée par la critique de la valeur, mais on trouve également chez un auteur comme Michel Foucault des observations et des raisonnements assez intéressants justement sur ces passages que chez Foucault se trouve exemplifié aussi dans la figure du panopticum des Bentham. Donc ces prisons, donc on est épié tout le temps jusqu'au moment où il n'est plus nécessaire d'épier les personnes parce que maintenant ils font tous pratiquement comme les automates. Donc, Donc je vais donc souvent revenir sur ce parallélisme entre forme sujet et forme marchande, justement sur cette espèce qu'on transforme le monde en une abstraction et que de certaine manière que tout se vaut, donc que pratiquement tout est égal. Pour la logique marchande, toutes les marchandises sont égales. Leur valeur d'usage n'est pratiquement qu'une espèce de prétexte pour réussir à les vendre. Mais d'un point de vue, nous l'avons dit souvent, d'un point de vue de la logique de la valeur, il n'y a aucune différence entre une bombe et un jouet. Simplement, ils représentent différentes quantités de travail abstrait mesuré par le temps et donc aussi différentes quantités de sur-travail et donc de sur-valeur et de profit qu'on mesure en argent. Mais le capitalisme, la logique de la valeur en tant que telle, est structurellement aveugle à toute question du contenu. Cela donc n'a rien à voir avec une espèce de méchanceté de quelque chose comme une classe capitaliste. Ce n'est pas une décision de personne, même si évidemment, nous l'avons dit souvent, il y a évidemment des exécuteurs de cette logique, il y a évidemment des fonctionnaires, il y a des officiers, sous-officiers du capital, comme Marx les appelait. Mais le capitalisme n'est pas une invention des capitalistes, le capitalisme n'est pas une domination exercée par une classe puissante par ses propres moyens. Donc ce que nous appelons les dominants, les capitalistes, sont essentiellement les personnes que simplement exerce des fonctions à l'intérieur d'un système qui évidemment leur profite bien et ils les défendent, mais d'une certaine manière ils restent quand même soumis aux règles de fonctionnement de ce système. Et s'ils tentent par exemple d'y échapper, même on ne reste pas longtemps ni capitaliste ni gouvernant. Donc le capitalisme est essentiellement un système d'une domination par des structures anonymes, impersonnelles, qui sont donc, je le répète toujours, la valeur, le travail abstrait, la marchandise et l'argent, et après se forment dérivées comme le marché. Et donc la prochaine fois, je porte aussi, pour qu'on ne connaisse pas ce titre, donc aussi une bibliographie de la critique de la valeur, donc deux livres qui sont disponibles en français, donc... Même si, je répète, le livre le plus complet sur le sujet étant « Travail et domination sociale » de l'américain Moshe Postone, traduit il y a quelques années par Fayard. Et donc la logique, comme je disais, aussi la particularité du capitalisme. On pense souvent que c'est une particularité du capitalisme d'être une société basée sur l'exploitation ou sur la propriété privée ou sur l'injustice sociale. Cela n'est pas du tout le propre du capitalisme parce que là, une grande partie de la société historique l'ont été. Et certes, je pense, n'était pas même pas mieux, pas moins injuste que la société capitaliste. La particularité historique de la société capitaliste est exactement qu'elle ne se base pas sur une domination personnelle, qu'il n'y a pas une appropriation d'une plus produit concret, comme par exemple dans le féodalisme, où le propriétaire prenait plus ou moins avec la violence une partie du produit agricole, mais le capitalisme est une société où la richesse a une forme particulière qui est cette valeur qui est donnée exclusivement par la quantité de travail abstrait. Et donc où les membres de la société ne s'encontrent pas directement, mais s'encontrent seulement sur un marché anonyme et chacun en tant que porteur d'une quantité déterminée de travail abstrait qu'il a où soit exécuté soi-même, soit pris à d'autres, donc approprié du travail d'autres, mais chacun existe comme porteur d'une unité de travail abstrait qui n'a donc aucune concertation sur les moyens et les buts de la production dans le capitalisme, mais un mécanisme aveugle qui consiste seulement dans le fait de multiplier la quantité de travail initial dans une de la transformer dans une quantité plus grande, ce qui prend la forme de la multiplication de l'argent. En effet, le capitalisme n'a pas pour but de produire des biens ni des services, et ni de satisfaire des besoins. Si cela arrive, c'est à peu près par hasard. Le but proclamé, d'ailleurs ce n'est pas du tout un mystère, le capitalisme, c'est de transformer 10 euros en 12 euros et après 12 euros en 14 euros, etc. Personne ne s'engage dans une production capitaliste avec un autre but que celui de faire fructifier son capital. Donc la production réelle reste quand même d'une certaine manière nécessaire, au moins jusqu'à un certain point, mais elle est subordonnée à ce seul but qui est la multiplication de l'argent. Bien sûr, aujourd'hui, surtout, on voit une multiplication de l'argent qui semble magique, surtout dans la sphère financière. Mais c'est comme une forme dérivée, comme Marx l'a démontré, en s'appuyant d'ailleurs sur des auteurs bien bourgeois comme Adam Smith et David Ricardo. La multiplication de l'argent ne peut avoir lieu que comme multiplication du travail, parce que l'argent représente le travail qui a été dépensé dans la production des marchandises. D'ailleurs, marchandises qui peuvent toujours être matérielles et immatérielles. Il est vrai qu'à l'époque de Marx, la marchandise était en général du genre matériel, mais il n'est pas du tout vrai que l'importance accrue de la production immatérielle au XXe siècle invalide les catégories centrales de l'économie politique marxienne, pas du tout, parce que même pour le service, même pour le bien immatériel, il faut toujours, comme a dit Marx si bien, une dépense de muscles, nerfs et cerveau. Donc il faut. Donc Marx a parlé seulement des muscles, mais aussi d'une dépense de cerveau et de nerfs, qui donc a toujours, une dépense d'énergie humaine au sens plus large, et qui donc pratiquement a comme seul paramètre le temps qui était nécessaire. Donc là, pour le marché, donc nous l'avons dit souvent, sur le marché, la seule différence entre une table et un cahier, malgré toutes leurs différences matérielles et dans l'usage, la seule différence, c'est peut-être que la table représente peut-être 10 heures de travail, évidemment inclut tous le travail qui était nécessaire pour produire tous les matériaux premiers, les machines, etc. Tandis que peut-être la cahier ne représente que 10 minutes. Donc voilà pourquoi on peut dire. La logique marchande est une logique d'un réductionnisme total. Donc tout est réduit à différentes quantités, à quantités différentes d'une substance qui est toujours la même. La seule substance qui existe dans la logique marchande, c'est cette valeur créée par le travail abstrait, donc une valeur qui n'a absolument rien de réel. Donc cette substance purement imaginaire, il faut toujours se rappeler, parce qu'on ne peut absolument pas voir le travail ici dedans et aucune analyse chimique ne peut le découvrir, comme dit Marx. Donc c'est en vérité une pure projection fétichiste. C'est nous traitons cette table, par exemple lorsque nous le vendons, le traitons selon le travail qui peut-être il y a des années a été nécessaire pour sa production. Voilà pourquoi il y a effectivement un parallélisme entre le fétichisme de la marchandise et le fétichisme religieux, de même que ce qu'on appelait le sauvage, évidemment, projeter, par exemple, leur pouvoir social sur une petite idole en bois. Pratiquement, nous faisons à peu près la même chose, donc nous projetons notre pouvoir et notre capacité de production sur une voiture et sur une sac de pommes de terre, et après nous les traitons, pas selon leur qualité réelle, selon leur valeur d'usage, mais nous les traitons exactement selon cette projection fétichiste qu'on fait tout le temps, collectivement, évidemment, sans s'en rendre compte. Voilà, parce que le fétichisme n'est pas une espèce de ruse ou de tromperie inventée par le capitaliste pour mieux tromper les ouvriers, pour leur cacher l'origine de la plus-value, comme une certaine interprétation marxiste traditionnelle le veut souvent. Il est vrai qu'on trouve dans le Capital aussi cette définition du fétichisme, mais l'essentiel, comme Marx déjà explique au premier chapitre du Capital, c'est une conception du fétichisme en tant que, comme j'ai dit, une société où les êtres humains pratiquement sont soumis aux objets qu'ils ont eux-mêmes créés et où le rapport humain prend la forme d'objets, donc c'est la forme de marchandises. Ou donc pratiquement chaque marchandise est, comme dit Marx, une espèce d'énigme, un chiffre, une espèce donc de résumé de l'activité sociale, donc il est la cristallisation. Et donc cette même, et je vais encore beaucoup insister, donc cette même tendance à la abstractification et à du monde, on le retrouve donc à plusieurs niveaux. Donc là, nous avons parlé du niveau analysé par la critique de l'économie politique, mais nous le trouvons également dans le temps abstrait. Donc on va le répondre dans une autre séance. Là aussi, surtout, il y a dans le livre des Postones, il y a des explications assez intéressantes sur le fait que jusqu'au Moyen-Âge, la temporalité était concrète, était liée aux événements, était liée par exemple surtout donc, aux saisons, donc, au soleil, et donc il n'existait même pas une mesuration du temps continue, donc même qu'elle n'existait pas dans toute l'Antiquité, il n'existait pas de montre. Il semble que ça commençait dans les monastères, les mêmes monastères sympathiques qui ont aussi inventé le travail au Moyen-Âge, c'est-à-dire une valorisation positive du travail comme valeur morale et pas seulement comme une espèce de punition divine. Ces mêmes monastères ont aussi commencé avec leur ding-dong, avec les cloches, partager les journées en partie toujours égales, pratiquement avec une tombe, donc c'était un peu le début d'une espèce de tombe abstraite, donc une tombe que mathématique aussi calquée sur le mouvement des astres et donc et non aux événements de la vie humaine. Donc le capitalisme est aussi lié à une abstractification du temps, de même qu'à une abstractification de l'espace, par exemple de la carte géographique, une personne assez sympathique à beaucoup d'égards, et quand même en même temps, si vous considérez une énorme abstractification de l'espace qui est tout transporté sur une face plane. Et historiquement, toute la modernité, une ensemble de ces processus d'abstractification du réel, auquel d'ailleurs, en général, les personnes qui ont grandi dans d'autres contextes ont toujours opposé beaucoup de résistance. Donc, par exemple, cette considération de l'espace à travers une carte géographique, c'est par exemple quelque chose qui est tellement contraire à nos inclinations spontanées, par exemple, que des gens qui ne l'ont pas appris en petit, par exemple, même je pense dans les campagnes jusqu'à une date récente, par exemple, les personnes ne sont pas du tout capables, par exemple, de lire une carte, parce qu'ils ne réussissent pas, ils ne veulent pas faire cette opération, par exemple, de faire abstraction de tout ce qui est réellement, par exemple, une montagne, une voie, etc., pour le simplement réduire à un ensemble de signes graphiques. Et donc, justement, donc, la forme sujet moderne est également donc, également une abstractification du monde, où justement donc, tout ce qui forme réellement la personnalité des individus, leur histoire, leur désir, leurs besoins, pratiquement est tout de cette manière coupé, donc, comme les branches d'un arbre, pour le faire rentrer dans une espèce de forme sujet qui doit être la même forme pour tout le monde, qui est calquée, comme je dis, surtout sur une intériorisation des disciplines et des vertus nécessaires pour le procès de production. Et avec, qui a passé par différentes phases, donc, comme nous allons voir dans ces cours, et cette abstractification, comme je l'ai dit, d'une certaine manière, s'est beaucoup aggravée, d'une certaine manière, avec la prévalence de la forme narcissique, de la forme sujet au cours du XXe siècle, surtout dans la dernière décennie, parce que, je le répète, donc, le narcissique, en tant que tel, ne peut pas s'ouvrir à la multiplicité de ce que la psychanalyse appelle relation objectale, donc avec des objets et des personnes chaque fois différents. Mais d'une certaine manière, le narcissique au moins le narcissique à l'état pur, parce qu'après, évidemment, il existe beaucoup de formes mélangées, beaucoup de monde peut être un peu narcissique, plus ou moins gravement mélangé avec d'autres choses, avec d'autres formes de névrose. Mais donc, le véritable, dans sa forme pure, le narcissique vit exactement dans un monde de miroirs, où pratiquement, c'est exactement aussi voilà, l'origine du nom, donc Narcisse, donc la figure, il tombe amoureux de son propre reflet dans l'eau. Mais le sens de cette fable, comme l'interprète Freud et d'autres psychoanalystes, ne réside pas seulement dans cet amour, dans cet investissement libidineux pour soi-même, mais surtout dans le fait, d'une certaine manière, donc il n'y a pas un rapport avec le monde extérieur. Donc là, donc l'individu reste seul avec son miroir. Et donc, il ne peut pas vraiment reconnaître et le paroi, la division entre le moi et le non-moi, qui est absolument essentiel pour tout rapport, un tout petit, tant que soit peu sain au monde, qu'on sait où est le moi ou le non-moi. Et tandis que le narcissique, évidemment, s'il n'est pas totalement psychotique, il reconnaît formellement, mais de certaine manière, dans son fort intérieur, il reste toujours convaincu, par exemple, que les autres personnes n'ont pas le même droit que lui, par exemple, certainement que les autres n'existent pratiquement que pour lui. Après, donc on va aussi voir dans le cours, on va aussi tenter quand même d'analyser certains phénomènes plus concrets, on ne va pas rester toujours dans le générique. Il est quand même assez, par exemple, dans ce qu'on appelle le rapport de couple, le rapport amoureux, tandis que la névrose classique portée, par exemple, en général, au couple fixe avec lequel on restait et va toute la vie, tandis que le narcissique, plus au contraire, tente, par exemple, vers le cyber-drague, donc vers la recherche perpétuelle de nouvelles aventures, de nouvelles personnes avec lesquelles il n'est pas nécessaire d'instaurer un véritable rapport où on reconnaît l'existence et l'autonomie de l'autre, mais l'autre reste une espèce de brève matérialisation d'une propre projection qui est tout de suite changée par une autre dès que cette projection ne donne pas tout le résultat escompté, évidemment, il ne le donne jamais. Alors, donc, j'espère donc aussi que la catégorie du narcissisme donc, peut aussi être une catégorie plus large qui nous permet aussi de lire la cohérence entre beaucoup de phénomènes du monde contemporain. Parce qu'évidemment, donc, la théorie que je propose ici, la critique de la valeur, comme vous voulez l'appeler, évidemment, s'inscrit en porte-à-faux contre la théorie postmoderne de la contingence pour laquelle pratiquement chaque champ de l'existence ou du savoir doit être séparé et doit être analysé séparément et obéi à une logique différente. Évidemment, ici, je parle d'une épistémologie toute différente qui part de l'idée qu'il existe d'une certaine manière peu de principes qui structure notre réalité sociale, ou peut-être en vérité c'est un seul principe que certaines manières qui se développent d'une manière dialectique et donc qui produit ses propres contraires et donc le contraire dont leur choc produisent encore d'autres contraires, ce qui fait que quand même que au moins c'est un peu mon point de départ, il existe comme une espèce de profonde unité entre tout ce qui nous arrive, par exemple entre le narcissisme, par exemple, de la sphère financière, où on réduit le monde entièrement, par exemple, à un ensemble de chiffres, par exemple, qui ne correspondent plus à aucune production réelle, et entre la recherche des rapports amoureux dans le cyberespace, par exemple, et entre un phénomène dont nous allons parler, comme les massacres dans les écoles, le school shooting, il existe, par exemple, tout cela, une espèce de fil qui lie tous ces facteurs, et j'insiste, pratiquement, si on le veut dire à son degré, l'abstraction le plus élevé, ce principe unificateur, exactement l'abstraction. Et là aussi, je veux insister, il existe, alors, si on, cette abstractification donc, existe en même temps en différents domaines. Nous avons dit le domaine de l'économie politique, dans le domaine de la psychologie, et individuelle et collective, et dans la production culturelle, et etc. Et il n'existe pas une priorité d'un de ces facteurs. Donc, là aussi, on a déjà insisté sur l'année dernière. Ici, donc, au moins aussi la critique de la valeur, donc je résume un peu ici, se sépare quand même assez drastiquement de ce que... on appelle le matérialisme historique, duquel d'ailleurs Marx n'est responsable en partie, et qui se base sur cette idée qu'il y a une espèce de priorité du facteur matériel de la production matérielle, qui après toutes les autres structures psychiques, culturelles, ne serait qu'une espèce de conséquence de ce qui arrive dans le monde de la production, qui en dernière analyse serait lié aussi à une fonction technique. L'approche que je propose ici, au contraire, insiste toujours sur le fait qu'il y a toujours une interaction très étroite entre ces différents facteurs et que, par exemple, là, on ne peut ni dire que c'était le temps, la temporalité abstraite qui a créé le travail abstrait, ni le contraire. Ce sont justement des choses qui se sont développées ensemble, qui sont renforcées l'un l'autre, sans qu'on puisse dire quel était le facteur primaire et quel est le facteur dérivé. Et Donc cette approche donc pour moi donc va au-delà comme je dis, du matérialisme traditionnel qui affirme toujours une espèce de priorité du développement des forces productives, mais en même temps il va aussi au-delà d'une insistance sur le facteur idéologique qui me semble avoir fait un grand retour dans les dernières décennies. Vous trouvez dans les dernières décennies, par exemple, des études que nous avons aussi citées ici, par exemple, sur la genèse de l'idéologie économique chez Serge Latouche, ou les écrits d'un auteur comme Jean-Claude Michéa, ou même les théories de Michel Foucault. Donc tous ces gens-là, d'une certaine manière, selon on passe du matérialisme historique à son exact contraire. Ils passent à peu près à ce qu'on aurait appelé une fois une explication idéaliste de l'histoire. Donc il semble qu'à nouveau, qu'il y a des nouvelles idées qui se diffusent, on ne sait pas pourquoi, et après, cela, c'est la réalité politique, économique et sociale qui se modèle, qui change selon ces nouvelles idées qui se diffusent. Donc, par exemple, nous avons aussi parlé d'un anthropologue très important comme Louis Dumont et de ses études L'Homo Ecalis, qui sont des études effectivement très importantes pour le matériel qu'il apporte, mais en même temps, on reste toujours vraiment sur sa forme, sur l'explication. Il y a donc une nouvelle idéologie économique qui a été inventée par les Anglais au XVIIe siècle, et peu à peu, le monde réel commence à se modeler sur cette idéologie, mais on ne comprend pas du tout pourquoi cela arrive. Et donc, je trouve que ce n'est pas une bonne alternative au matérialisme borné, qui, au contraire, qui dit toujours qu'il y a d'abord une question dans le rapport des propriétés et techniques, et après, les idéologies ne font que le réfléchir, comme disait le matérialisme historique traditionnel. Pour moi, tout l'essentiel, c'est de voir que ce sont toujours des choses qui vont ensemble. On peut aussi dire que l'évolution idéologique, psychologique, culturelle, etc., et le rapport quotidien des productions matérielles ne sont pratiquement que les deux expressions de quelque chose de plus profond, de plus abstrait encore, qui dans notre cas, c'est justement cette forme vide, qui est l'abstraction, d'une certaine manière, qui est la négation du monde concret dans sa multiplicité à faveur d'une espèce de réduction ad unum, comme je dis. Donc la valeur économique, comme la forme narcissique, comme aussi beaucoup d'autres comportements sociaux, développement culturel, etc., sont toujours différentes expressions de cette espèce de mouvement de base, sans qu'on puisse déterminer en général entre ces facteurs où est le poulet où est l'œuf. Et donc c'est un peu donc le principe le thème de base du cours. Donc ça veut donc aussi dire on analyse donc ici le capitalisme pas du tout comme un système rationnel mais injuste. Donc le capitalisme n'est pas simplement une forme d'exploitation organisée par des gens très rusés qui font la belle vie aux dépens des autres. C'est comme une interprétation qui est encore très largement répandue. En plus, ça correspond évidemment peut-être à première vue à une certaine évidence empirique. Mais quand même, ce n'est pas le niveau le plus profond. Là, c'est le niveau le plus profond, c'est beaucoup plus tragique. Le capitalisme est essentiellement une société irrationnelle, une société qui ne se contrôle pas du tout, qui ne réussit pas à contrôler le dynamisme qu'elle a déchaîné. La société capitaliste donc, se base sur la valeur, donc une accumulation de la valeur et du capital au-delà de tout contenu, et qui donc déjà un processus sans but et sans limite, donc très différemment de toutes les formes antécédentes de société qui avaient toujours un but, ce but pouvait être. Et donc cet irrationalisme, et donc cette espèce d'auto-mouvement qui existe déjà dans la structure de la valeur, évidemment historiquement se renforce ou se multiplie par sa rencontre avec cet autre autotélisme, avec cette autre qui est la technologie. Donc, la technologie, donc on pourrait dire le capitalisme, en vérité, clairement, ne peut exister qu'en tant que société technologique. Et donc la, comme on a vu, la technique, une fois dépassée un certain seuil, a exactement développé donc, le même degré donc, de ne plus être contrôlable, d'échapper à tout contrôle. Et évidemment, cette espèce de... auto-mouvement de la technique et l'auto-mouvement de la valeur se sont donc, historiquement, d'une certaine manière, renforcés l'un l'autre tout le temps. Donc, ce qui fait effectivement que nous avons justement cette impression d'être dans une espèce de voiture qui avance, donc, mais sans chauffeur. Et voilà donc pourquoi, avec une expression assez forte, on peut dire qu'au fondement du capitalisme, il existe une véritable pulsion de mort. Donc c'était donc Robert Kurz, l'auteur principal de la critique de la valeur, malheureusement mort l'année dernière, qui a fait un important article justement sur la pulsion de mort et la concurrence, qui je crois est contenu dans le livre qui a été traduit, n'est-ce pas, donc « Avis aux naufragés ». Peut-être je vais peut-être l'amener ici. Donc où il... Donc, parmi donc, les très nombreux écrits de Robert Kurz, je pense que c'est une des plus importantes. Justement, il analyse que, justement, au cœur du capitalisme, il n'est pas une impulsion condamnable mais rationnelle à l'exploitation, à l'enrichissement, mais au contraire, une espèce de haine contre le monde entier, justement, qui naît de cette élimination du tout contenu. Donc, dans le capitalisme, tout contenu est éliminé. Donc, en vérité, il n'existe rien pour lequel il vaut la peine de vivre pour personne. Et voilà pourquoi le capitalisme, plus il avance, dit Kurz, plus pratiquement la destructivité pure commence à apparaître. Donc, ce qui là aussi donc, permet de lire ensemble différents phénomènes qu'on ne lit pas toujours, comme par exemple justement la violence extrême, les massacres dans les écoles, mais aussi par exemple les attentats kamikazes faits dans le monde islamique et ailleurs. Donc tout cela, on peut y voir ensemble une espèce de pulsion de l'autodestruction du sujet capitaliste qui pratiquement finit par développer une espèce de haine totale contre ce monde qui pour lui en vérité n'est qu'une espèce de vague abstraction et duquel de certaines manières contre lequel des individus finissent pour se révolter aussi. On sait qu'une des raisons principales aussi de ceux qui ont fait ces massacres, d'ailleurs toujours plus récents, maintenant aussi dans les aéroports, dans les supermarchés, etc. On sait qu'une des raisons principales, c'est que ces gens-là veulent avoir au moins une fois dans la vie l'impression d'exister vraiment. Donc, d'une certaine manière, de sortir de cette espèce du monde de la fiction, de sortir du jeu vidéo auquel, parce que tous ces assassins se sont en général consacrés pendant des années, et pour une fois, c'est-à-dire passer justement à la réalité, donc justement arriver à une espèce de non-moi. Exactement le problème pour les narcissiques, ils n'arrivent jamais à vraiment rentrer dans le monde. Et, donc on va donc... d'une certaine manière, donc analyser donc les étapes, différentes étapes du capitalisme, pas seulement comme les étapes donc d'un développement économique et politique, mais aussi comme une espèce de psycho-histoire. Donc on va aussi tenter d'analyser les différentes étapes de la constitution psychique des individus, donc qui ont prévalu à un moment donné à un autre de la modernité. Là aussi, il faut, je veux dire, évidemment, cela a été fait, mais quand même pas beaucoup. D'un côté, même les critiques de la société capitaliste, même les marxistes, souvent quand même présupposé que l'être humain reste à peu près toujours le même. C'est basé sur une espèce d'une anthropologie assez fixe. D'ailleurs, exactement comme les libéraux. Les libéraux également avaient affirmé donc à partir du XVIIIe siècle que l'être humain vit essentiellement pour son propre profit et pour satisfaire ses propres besoins personnels, surtout au plan matériel. comme nous avons vu l'année dernière, historiquement, cela était absolument une nouveauté. Donc, parce que historiquement, aucune société avant la société anglaise du XVIIe siècle n'avait jamais mis le profit, l'auto-affirmation individuelle comme au centre de la vie sociale. Au contraire, toute la société traditionnelle condamnait cette attitude et proposait d'une manière ou de l'autre aux individus de se confirmer à une morale non utilitariste. Donc l'utilitarisme et donc la recherche du profit individuel a été intronisé au centre de la vie sociale et devenu une espèce de définition de l'être humain seulement à partir de la fin du XVIIe siècle, d'abord en Angleterre. Mais cela a été rapidement généralisé, et donc déjà au début du XIXe siècle, cette définition libérale de l'homo economicus a été si largement acceptée que, de certaine manière, même le marxisme, même Marx même, n'a pas toujours su se libérer de cette espèce d'héritage, de cette espèce de conception de l'être humain comme quelqu'un qui vit essentiellement pour maximiser, comme disent les économistes, son bénéfice personnel. Et donc, même la critique du capitalisme, donc souvent, je pense, s'est basée sur une conception trop fixe de l'être humain, ou même parler d'une nature humaine. Il faut quand même dire qu'il y a eu une évolution notable au cours des deux derniers siècles, et surtout des dernières décennies. Et là aussi, je dirais que ce développement ne semble pas toujours assez pris en compte. Par exemple, comme je dis, assez longtemps, donc sa longue phase ascendante, le capitalisme s'est basé sur cette espèce d'éthique protestante aussi étudiée par Max Weber, donc sur, comme je dis, une logique du travail, du renoncement, de la répression sexuelle, etc. Et encore aujourd'hui, il existe toute une... Tout ce qu'on appelle la gauche culturelle, en certaine manière, encore aujourd'hui, identifie le capitalisme avec ses formes de répression et continue toujours à mener des batailles pour des libertés individuelles qui peuvent être aussi justifiées, mais qui se trompent complètement de cible s'ils pensent qu'il s'agit de conséquences, il s'agit de choses qu'il faut arracher avec de dures luttes à la bourgeoisie. Donc en vérité, la logique du capital aujourd'hui, par exemple, si on fiche totalement qui va au lit avec qui, donc cela n'est plus du tout à la base d'une espèce de morale de production. Donc on a eu cette espèce de nouvel esprit du capitalisme, comme l'a dit si bien analysé par Boltanski et Chiappello, qui enseigne ici dans cette école, et qui, comme d'autres auteurs, bien analysé donc ce renversement total des valeurs, donc pratiquement ces valeurs pseudo-hédonistes qui ont été pratiquées au début par des petits groupes bohèmes au XIXe siècle, sont pratiquement devenues, à partir de 70, une espèce de nouvelles morales pratiquement obligatoires, surtout pour ceux qui veulent pratiquement être les gagnants dans le nouveau capitalisme. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, donc, les valeurs officielles, et donc aussi la psychologie qui va avec, sont devenues au cours vraiment de peu de décennies, pratiquement le contraire de ce qu'il était avant. Maintenant, c'est la consommation et pas l'épargne, c'est la jouissance personnelle et pas l'abnégation au nom d'un idéal, c'est l'immédiat et pas le futur, etc., qui aujourd'hui sont valorisés tout le temps. Et on sait qu'évidemment, le capitalisme ne pourrait plus marcher avec la même mentalité qui existait encore jusqu'aux années 60. Je raconte parfois cet épisode personnel lorsque moi, pour mes 18 ans en 1980, je disais à une famille que je voulais une chaîne stéréo, et mon grand-père disait: ah, mais moi j'ai encore un tourne-disque dans le placard que je peux aller chercher. Il était assez offensé que je ne me contentais pas de son tourne-disque il y a 30 ans. C'est évident qu'avec des sujets comme tels, le capitalisme aujourd'hui ne pourrait jamais survivre avec cette mentalité de l'austérité et du renoncement. Et donc, là aussi, donc, on a eu des contributions assez notables. Par exemple, un auteur que vous connaissez, un auteur très polémique comme Jean-Claude Michéa, tire aussi donc la force de son argumentation justement du fait de souligner combien se trompe là, ce qu'il appelle de certaine manière la gauche culturelle, en encore de certaine manière combattant contre des formes sociales qui de toute manière sont devenues complètement caduques et qui ne sont défendues que par des restes archaïques de la des classes bourgeoises. Tandis qu'aujourd'hui, de certaine manière, la domination sociale passe souvent exactement donc, et arrive au nom de la jouissance, de l'épanouissement. Il suffit de penser aux changements énormes qui ont eu lieu dans l'école au cours de quelques décennies. Ça fait peut-être à peine 40 ans qu'on ne frappe plus les enfants sur les doigts dans leurs écoles. Je ne sais pas, peut-être c'était encore le cas quand tu étais jeune. Oui, tu vois, donc c'est étonnant. Tandis qu'aujourd'hui, évidemment, donc, la langue sonore, en général, ne se présente même plus comme une autorité ou comme une représentante de l'État, mais essentiellement comme une conseiller pour les enfants qui est là pour les aider, pour les développer leur potentiel personnel, même si, évidemment, ce potentiel personnel est toujours essentiellement un potentiel pour se vendre mieux sur les marchés. Mais tout cela, évidemment, se présente aujourd'hui non plus comme une imposition. Évidemment, aujourd'hui, la phrase principale n'est plus « tu dois », mais « tu peux ». C'est-à-dire, même, il te convient beaucoup de faire ceci, sinon, tant pis pour toi, mais personne ne va t'obliger. Si tu veux rester toute la vie en marche, tu peux le faire. On ne voit plus à la caserne. On ne te frappe plus sur le doigt, mais c'est comme dans ton propre intérêt, bien entendu, de t'adapter à toutes les normes de la société si tu ne veux pas passer ta vie en marge. Donc là, on peut donc dire que la séduction a donc très largement remplacé l'imposition comme modalité du gouvernement de la société. Et cela est à nouveau lié au narcissisme, parce que justement l'imposition était liée à une structure autoritaire sur le oedipienne, donc il faut. Donc, tandis qu'évidemment la séduction est une structure typiquement narcissique, où donc pratiquement on flatte tout le temps l'individu, donc d'une certaine manière qui se voit au centre du monde, et qui est pratiquement tout le temps leurré plutôt à faire des choses plutôt qu'obligé. Même si je pense que des auteurs, justement comme Michéa ou d'autres, du fond, se trompent s'ils pensent que toute la société contemporaine ne se base que sur la séduction et sur l'amitié, parce que derrière tout cela, il reste quand même toujours les policiers avec le matraque. Donc dès que la séduction, en vérité, ne marche plus, en vérité, on recommence d'ailleurs assez vite et de manière assez perfectionnée avec la répression. Donc je pense que c'est une grave limite, par exemple, d'un auteur comme Michéa de ne pas voir cette double face. Alors, donc cela, donc, ça doit être le thème général. Déjà, si c'est le cas. Alors, je vais dire brièvement comment j'ai imaginé de distribuer ces matériaux. J'espère que je peux au moins commencer après donc, le cours d'aujourd'hui. Alors justement, donc, aujourd'hui, après donc, une brève résumé donc, de l'année dernière, que j'ai déjà fait en partie, parce que j'ai déjà dit à peu près, donc, j'ai cité surtout la catégorie du travail abstrait sur laquelle nous avons longuement insisté l'année dernière. Donc, je veux conclure l'histoire de la forme sujet, donc surtout surtout sa genèse, donc entre Descartes et Kant et le début et la philosophie du XIXe siècle. Donc, aussi parce que cette formation historique de la forme sujet, qui était surtout une forme sujet collective, il y avait une espèce de narcissisme collectif, le narcissisme du nous, parce que les individus au XIXe siècle encore se percevaient essentiellement comme appartenant à deux grandes catégories, ou la classe ou la nation, ou à la limite la race. Donc c'était les deux méga-sujets, donc les deux grands nous au cours du 19e siècle. Dans un cas, donc c'était les individus s'identifiaient essentiellement à travers le travail et donc à travers leur appartenance à une classe, et donc c'était tout le discours de la gauche, où ils s'identifiaient essentiellement en tant que membres d'une nation, ou pire encore d'une race, et donc dans ces cas-là, donc leur forme sujet donc, était donc lié pas au travail, mais à quelque chose avec lequel on est à peu près et qu'on doit finalement défendre, donc typiquement dans la guerre. Et donc, c'était les deux grandes formes de sujet où donc les individus, d'ailleurs, tenaient leur statut, leur rôle dans le monde, aussi leur auto-perception, essentiellement, dans, ils le tiraient de leur participation ou de leur appartenance à ces méga-sujets. Et éventuellement, évidemment, à leur forme diversifiée. Au cours du XXe siècle, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, justement, on a eu une importance très réduite de ce méga-sujet à faveur d'une espèce de fragmentation du sujet. Donc l'épicentre de la forme sujet se déplace du sujet collectif vers le sujet individuel et donc finalement donne comme résultat, effectivement, surtout dans les dernières décennies, exactement l'individu complètement narcissique qui ne se reconnaît plus pratiquement aucune autre appartenance sinon pratiquement dans son propre moi. Et, alors, la prochaine séance, dans deux semaines, donc après avoir terminé l'histoire de la forme sujet, je voudrais résumer donc le concept de narcissisme vraiment tel qu'il a été défini par le psychoanalyste. Et même si d'ailleurs la littérature n'est pas énorme, me semble, donc, à part évidemment les écrits de Freud même, donc nous pouvons nous référer à Melanie Klein, à Heinz Kohut, à Donald Winnicott et à Bela Grünberger. Donc je vais faire un résumé d'une partie de leurs écrits. Donc pour voir d'abord sans implication sociale, vraiment qu'est-ce que c'est le narcissisme aux yeux des psychoanalystes eux-mêmes donc, qui ont créé ce concept. Qui d'ailleurs est resté assez longtemps effectivement un concept, surtout on dit psychologique, aussi presque médical. Par exemple, les grands dictionnaires de la psychoanalyse de Pontalis et Laplanche, encore publié en 1967 pour la première fois, je crois, on se consacre encore assez peu d'espace au narcissisme, et surtout l'analyse comme une pathologie, mais pas comme une espèce de forme globalisante caractérisant même pratiquement. La constitution psychique des individus d'une époque entière. Je pense que le premier, donc, justement, qui a utilisé le concept de narcissisme pour caractériser une époque historique et une culture, était Christopher Lesch, donc avec son livre La culture du narcissisme, publié en anglais en 1979, et continué dans un livre Le moi assiégé, en anglais The Minimal Self, qui, à différents des premiers livres, en a été publié, je pense, l'année dernière, je crois, pour la première fois en français. Et je crois que presque toutes les œuvres de Lesch, d'ailleurs, ont été publiées par les éditions Climat, je crois. Et donc, je vous recommande toujours beaucoup la lecture. Oui, enfin, je pense, pas toujours très bien, peut-être, mais... D'ailleurs, si vous hésitez entre les deux livres, je trouve que le moi assiégé, de certaine manière, est moins centré sur les États-Unis, à un caractère plus général. Donc, je trouve qu'à la limite, entre deux livres, il est peut-être à préférer. Enfin, je vous amène la prochaine fois de manière une bibliographie. Et à la quatrième séance, je voulais discuter de certains auteurs français contemporains qui sont essentiellement, souvent, pas toujours, de néo-lacaniennes, mais qui quand même, disons, ont dit des choses assez intéressantes en appliquant le concept de narcissisme à la société contemporaine. Donc je pense surtout à Denis Robert Dufour, donc, qui a publié 5 ou 6 livres en rapide succession dans les années, qui sont vraiment intéressants pour notre propos, comme Le divin marché, L'art de réduire les têtes. Donc, ce sont peut-être les deux livres les plus importants. Et Et un peu dans le même domaine, nous trouvons les écrits, comme j'ai dit, inutile d'écrire le nom, je vais vous le ramener. Nous trouvons le nom de Charles Melmont, Jean-Pierre Lebrun, Jean-Claude Lyodé et Michel Schneider, qui sont tous des lectures de la réalité contemporaine donc à travers les catégories psychanalytiques et surtout le narcissisme. Et justement, évidemment, je ne veux pas me priver aussi de souligner aussi leurs limites, justement là où ils tentent de faire une lien avec la réalité, avec le développement du capitalisme. En vérité, ils parlent toujours, ils ne parlent que de la phase plus excessive, c'est-à-dire la phase néolibérale du capitalisme. Souvent, donc, même leur proposition pour guérir la société du narcissisme le ramène pratiquement à reprendre le sujet fort présupposé des années de l'époque fordiste des années 50 et 60. Et donc finalement, il y a donc là aussi un curieux parallélisme, je trouve, entre ces auteurs et des approches comme par exemple de Pierre Bourdieu, qui également pratiquement critique assez efficacement la phase néolibérale du capitalisme pour idéaliser en revanche la phase précédente, c'est-à-dire la phase que nous appelons maintenant la phase fordiste keynésienne. Donc je trouve que ces auteurs, pour précieux que soit leur analyse dans les détails et le matériau empirique qu'ils amènent, ils restent assez insuffisants dans l'analyse des causes lointaines des phénomènes qu'ils décrivent. Et donc ce sont des auteurs récents et bon, assez connus. Alors, cinquième cours, au contraire, je voulais aller un peu plus en arrière, aller plutôt vers un domaine allemand et me référer au livre de Herbert Marcuse, Eros et civilisation, donc également importante lecture psychoanalytique de la société, qui d'ailleurs, finalement, Marcuse était beaucoup mieux que le freudo-marxisme avec lequel on l'associe, parce que Marcuse était, comme avec son concept de la désublimation répressive, un des premiers, à contraire, de comprendre qu'une société très libérale, très tolérante, en vérité, peut très bien servir, finalement, les intérêts d'une société capitaliste et seulement être plus subtilement répressive. Et je vais également me référer à un autre auteur allemand pas très connu en France, même s'il a été traduit, Alexander Mitscherlich, qui a donc le livre le plus connu, Vers une société sans père, qui donc également a été parmi les premiers dans les années 60 à décrire justement cette évolution d'une société sans père, donc qui dépasse les structures d'autorité traditionnelles, mais sans pour autant devenir nécessairement plus libre. Alors après, j'ai pensé de consacrer le sixième et septième cours à une analyse, donc ce qu'on pourrait appeler la perte de l'expérience directe de choses, les nouvelles formes de la sensibilité et de la subjectivité, le rôle des nouveaux médias, en me référant à des sociologues contemporains, surtout à des sociologues qui donc, font une description phénoménologique critique de ce que nous vivons. Je vous cite quelques noms, mais comme Ehrenberg, comment s'appelle Albert, non, non okay. Alain Ehrenberg, par exemple, auteur de livres comme L'individu fatigué. Et Benjamin Barber, qui a fait américain, qui a fait l'important livre sur l'infantilisation du consommateur. Et Richard Sennett, donc vétéran de la sociologie américaine, surtout avec ses études sur l'homme flexible. François Flau, Bernard Stiegler, Philippe Korkuff, Sigmund Baumann, sociologue anglo-polonais assez important, mais finalement assez peu connu, étudié en France, avec ses études sur la modernité liquide. Ulrich Beck et Eva Illius, ce sont tous des auteurs qui, certainement, ont tenté, certainement, de déterminer effectivement en quoi consiste vraiment, donc, c'est-à-dire cette nouvelle forme de subjectivité adaptée aux nouvelles formes de capitalisme. Donc, certaines d'une manière plus critique, d'autres de manière moins critique. Mais ici, donc, je veux un peu présenter ces auteurs, surtout, donc, pas pour les étudier en tant que tel, mais on voit en quoi ils peuvent nous donner d'informations utiles pour comprendre la constitution narcissique. Et ici, il serait particulièrement bienvenu si quelqu'un veut aussi faire une exposé ici en classe sur un de ses auteurs. Au cours 8, je voulais quand même reprendre un peu de mes thèmes de prédilection, c'est-à-dire le situationniste et Guy Debord, et aussi analyser en quoi la société du spectacle, donc analysée par Debord, était déjà une espèce de première description de la constitution narcissique où le monde se trouve réduit à des illusions. Alors, le cours 9 et 10 devraient être consacrés à un thème particulièrement, disons, chaud, c'est-à-dire la forme extrême de destructivité et la violence aveugle comme forme de narcissisme. Et donc, en s'appuyant surtout sur les études qui ont été faites sur le phénomène qu'en allemand et dans d'autres langues, on appelle Amok, ou qu'on appelle en anglais Schulshooting. Donc, c'est le fait, donc la France, jusqu'ici, a été presque à l'abri, mais. Donc des gens qui rentrent dans les établissements publics, généralement des écoles, mais pas toujours, donc en faisant donc des massacres à l'aveugle, donc en général pour se venger de quelques torts réels imaginaires qu'ils ont subis. Donc là, donc il existe beaucoup d'études et le phénomène donc se ressemble, il existe une certaine typologie. Surtout pour ce qui est des massacres dans les écoles en Finlande, en Allemagne et aux États-Unis. Il y a aussi beaucoup d'autres formes de violence qui n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques, mais qui au moins ont ceci en commun, qu'ils n'obéissent à aucune rationalité, donc ils n'ont aucune. Donc ce sont toujours les individus qui doivent pratiquement décharger, pas seulement le revolver, mais surtout. Ils doivent décharger une haine sans borne contre le monde entier, en général contre des individus qui n'ont pas de lien, ont un lien très faible avec eux. Et ce phénomène, même s'il n'était pas complètement inconnu dans le passé, est quand même quelque chose qui a pris de telles proportions dans les derniers 20 ans et qui semble en plus augmenter de jour par jour. Maintenant, surtout aux États-Unis, il n'y a presque pas un jour où il ne s'arrive pas une de cette espèce de. D'échanges de tirs dans les supermarchés, dans les aéroports, etc. Donc, même si ce phénomène, évidemment, reste comme malgré tout un phénomène assez rare, c'est évidemment, il meurt beaucoup plus de gens pour la folie de la circulation automobile que pour ces assassins fous. Ce phénomène, quand même, entre quelque chose d'assez caractéristique par la nouveauté, aussi parce qu'en général, il frappe très fortement l'attention du public, justement parce que. On sent en général vaguement que ces choses effectivement nous disent quelque chose, qu'il se passe quelque chose qui nous regarde directement, et on sent quand même plus ou moins que ces violences apparemment si folles, si inexplicables, en vérité ne le sont pas, que pratiquement pour chacun qui le fait vraiment, il y a pour autre 100 personnes qui auraient pu faire la même chose, qui ont senti la même haine, le même ressentiment contre le monde entier, le même désespoir, mais qui n'arrive pas jusqu'à ce point du acting out. Je pense donc que ça vaut la peine d'analyser un peu mieux ce phénomène. En les liant d'ailleurs aussi à d'autres formes de violence sans but, violence aveugle. Donc déjà le nazisme était d'une certaine manière la réalisation à plus large échelle, peut-être historiquement au 20e siècle. Et donc ici, je vous amène, on va déjà commencer avec Hannah Arendt, moi je vous amène certains auteurs allemands pas traduits en français comme Eisenberg ou d'autres TV Light, mais aussi le déjà cité néo-lacanien Jean-Pierre Lebrun a fait une analyse par exemple du seul grand massacre qui s'est passé en France au conseil communal de Nanterre. Il a fait un article intéressant avec un jeu de mots typique de ce genre qui s'appelle « Le mort pour le dire ». Et donc justement, ça doit être un peu le point, peut-être le culminant aussi de mon cours, donc je voulais justement démontrer que ces formes de violence sans but, autotélique, on peut dire en termes philosophiques, pour rare qu'elles soient à l'échelle sociale, ont quand même quelque chose d'extrêmement parlant pour nous, parce que cette pulsion de mort qui donne le capitalisme, qui reste en général implicite ou métaphorique, là trouve vraiment une réalisation absolument directe. Alors après, si, étant donné qu'en général il faut toujours Je parle beaucoup plus longuement de ce que j'avais prévu. Il est probable qu'à ce moment-là, on serait déjà arrivé au 12e cours. Mais s'il nous reste encore 2 cours à la fin, alors j'aurais aimé une fois, je voulais inviter un écrivain contemporain qui a écrit un roman qui exactement traite de cette espèce de violence pratiquement sans but, qui est Morgan Sportes, avec son roman Tout, tout de suite, donc un roman documentaire, je ne sais pas si quelqu'un l'a lu, inspiré donc à ce que les médias appelaient la gang des barbares, et donc avec l'enlèvement et l'assassinat donc, d'une jeune qui avait la seule faute d'être juif. Et donc Morgan Sportes, donc un écrivain assez proche de l'observation de la société, on peut dire un écrivain sociologique, et donc il a fait un roman intéressant sur ça, il m'a déjà dit, donc il viendrait aussi pour nous. Et pour en discuter avec nous. Et si encore, il reste encore une autre séance, il y a un thème que je peut-être particulièrement difficile que j'aimerais aborder parce que évidemment tout ce que nous parlons, nous disons ici, donc tout le phénomène de narcissisme donc jusqu'à la violence aveugle peuvent être effectivement appelés des phénomènes de régression. Régression au sens culturel et psychoanalytique, ce sont évidemment toujours pratiquement, on va en arrière vers des formes plus primitives de socialité et de vie sociale. Alors, il y a, et on a aussi souvent insisté sur le rôle des médias, des jeux vidéo, de l'Internet, tout cela, et je pense que cela, ça va réapparaître un peu même dans chaque séance, évidemment aussi le rôle des nouveaux médias. En général, même ceux qui critiquent le rôle des médias insistent quand même, on presse toujours pour dire que ça ne veut pas dire qu'on est contre l'image, le problème n'est pas l'image, le problème c'est la mauvaise utilisation de l'image. Et je me pose quand même la question, je sens d'avoir une réponse, s'il y a quand même aussi une partie de cette régression ne réside aussi dans la prépondérance de l'image par rapport à l'expression écrite. C'est évidemment une thèse qui probablement ne trouvera que des amis. Mais il existe quand même un personnage, au moins deux personnages assez intéressants, comme Jacques Ellul et Ivan Illich, qui ont effectivement affirmé ce ça. Donc, et Jacques Ellul, dans son, donc le grand critique de la technologie, dans son livre... La parole, ça s'appelle La parole volée, non, j'ai oublié le titre exactement. Donc, a fait exactement cette affirmation. Évidemment, Jacques Ellul, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur de mâcher ce mot, qui aussi n'a même pas eu peur, certainement, d'affirmer que l'AIDS était une punition divine pour les homosexuels. Et donc, il ne faut pas prendre tout à la lettre qu'Ellul a dit. Mais, en plus, évidemment, Ellul, comme Ivan Illich, était des religieux, était. Étaient des chrétiens, fort évidemment, le fait qu'ils donnent une espèce de priorité ontologique à la parole par rapport à l'image, évidemment, est évidemment un discours aussi biblique. Mais je trouve malgré tout cela que c'est quand même une considération qu'il faut faire, il faut quand même, si on y arrive. Il faut quand même voir en quoi le phénomène régressif de la modernité n'est aussi partie liée avec la prépondérance extrême de l'image par rapport à la parole et à la parole articulée, il faut le dire. Parce qu'il est vrai, peut-être le tout dernier développement technologique, par exemple dans les textos, on peut être même... peut-être amener un certain développement quantitatif de l'usage de l'écriture. Peut-être aujourd'hui, probablement, les gens écrivent davantage qu'il y a 30 ans, probablement. Et surtout, l'écriture est pratiquée pour des gens qui, avant, probablement, n'écrivaient pratiquement jamais, au moins maintenant, sur Internet, avec des textos et d'autres. Mais évidemment, là, il faut faire encore une distinction entre un usage de l'écriture et de la parole au sens purement formel est un usage à peu près articulé qui est évidemment ce à quoi pensait Jacques Ellul. Il est déjà 6h30. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez faire quelques observations? Est-ce que je commence mon discours sur la forme sujet? Mais c'est évident que je ne peux pas le terminer aujourd'hui. Et aussi parce qu'il faut peut-être terminer quelques minutes à l'avance. Si cela intéresse quelqu'un, je vais participer à 7h15 à un débat organisé par la revue Alternative Économique sur la grande question, est-ce que nous allons vers une domination allemande en Europe, quelque chose du genre. Bah, j'ai accepté d'y aller parce que ça peut être d'autres gens intéressants dans le public, mais je ne peux pas vous assurer que ce soit génial, et en plus je pense qu'on paye 5 euros de... Et c'est dans la salle des amis, je pense, des lecteurs de la... des alternatives économiques qui se trouvent pas loin d'ici, dans une... près du métro, que ça le Ségur. Donc je pense que je vais aller à pied, donc je... Parce que cela intéresse, je peux vous-même vous donner vos adresses pour ça, dans l'adresse, mais... Pardon. C'est 6 rue Albert de Laparon. Joli nom. 6 rue Albert de Laparon. Donc c'est entre, j'ai vu, entre les métros du Roc et Ségur. Je ne sais pas si c'est... J'espère que mon discours ici est plus intéressant que la personne. Oui. Ben, donc une moitié a déjà assisté l'année dernière, donc je ne peux peut-être dire encore rien de nouveau. En revanche, pour les autres, peut-être vous avez peut-être des questions. Notamment sur le concept de travail abstrait, comme je dis, auquel on a consacré pas mal d'efforts l'année dernière. Oui. D'abord, peut-être nous allons parler, je lis actuellement Crack Capitalism de Jim Holloway, qui s'étend énormément son travail abstrait. Alors après vous avoir écouté la dernière, avoir parcouru Holloway, je commence à comprendre un peu ce que c'est un travail abstrait, donc je m'accroche. Et je voudrais revenir sur quelque chose, je sais que le prix n'est pas la valeur, mais la valeur travail, tout ça, mais je crois qu'il existe encore une théorie subjective de la valeur qui a des effets concrets dans la société. Bon, exemple, Van Gogh, il peignait une toile par jour à la fin de sa vie. Pardon ? Van Gogh, oui. Payait une toile par jour à la fin de sa vie. Oui. La valeur d'une toile de Van Gogh n'a aucun rapport avec le travail qu'il a fait pour peindre une toile, par exemple. Les œuvres d'art classiques, ça échappe un peu de l'appréciation économique. Mais j'étais aussi, et ça fonctionne ailleurs, dans d'autres pays, j'étais il y a 2 ans au Mali, on sait ce qui se passe actuellement, on voit le niveau de vie, et j'ai vu à Bamako sur les états des chaussures, des baskets, dont le prix était à peu près 100 euros. 100 euros, on fait vivre une famille de 10 personnes pendant plus d'un mois, etc. Et il y avait celui qui m'avait servi de guide, etc. Il voulait absolument, pour la compenser, payer, je lui achète une paire de baskets à 100 euros. Je lui ai expliqué que même à Paris, je ne payais pas ce prix, etc. On voit quand même qu'il existe une théorie subjective de la mort qui a des effets concrets. 100 euros, c'est le budget d'une famille, c'est 8 personnes, ben, il n'y a pas de problème. Donc, et ça n'a aucun rapport avec le temps de travail qu'il a fallu pour fabriquer la basket. Hein. Ouais. Donc il existe encore une théorie subjective de valeur. Et d'autre part, je multiplie des exemples comme ça parce que je suis en train de chercher un drone. Les drones actuellement, Pakistan, l'Afghanistan, etc., ça a une efficacité militaire extrêmement redoutable. C'est un jeu vidéo, les pilotes, ils sont à 8000 km aux États-Unis, etc. Mais les drones, ils sont bien vendus à l'armée américaine. Et le prix du drone, il a un rapport avec la quantité de travail incorporée dans la machine. J'ai du mal à croire. Donc, il y a quelque part, là, bon, je connais un peu le marxiste, etc., mais quelque part, la théorie de la valeur de travail, quantité, contenu, etc., tout ce machin, il y a des secteurs et des secteurs importants où ça fonctionne mal. Les œuvres d'art, la basket à 100 euros au Mali, et le drone. Il est payé à un certain prix, mais ça n'a aucun rapport avec la quantité de travail et le drone. Il y a des choses comme ça, ça laisse dans les... Ça me laisse sceptique, mais c'est bien, parce que c'est une question, c'est un machin. Mais voilà, c'est pour... je sais pas, si vous avez la réponse, je note. Non, c'est un discours très, très vaste. D'abord, Marx même avait exclu les œuvres d'art de toute considération sur la valeur, parce qu'évidemment... De même que, déjà Marx, en suivant Ricardo, avait exclu quand même le sol de la loi de la valeur, parce que le sol est une quantité limitée qui ne peut pas être augmentée, à la différence, on dit qu'en principe, toutes les autres marchandises peuvent être produites d'une quantité illimitée. Mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est justement que la valeur d'une marchandise ne consiste pas dans l'effort qui a été dépensé pour produire une marchandise particulière. D'abord, comme je dis, Marx dit très clairement, c'est le temps, dans une première temps, c'est le temps moyen de production qui était nécessaire. Donc, si on est, donc si un ouvrier produit, donc il lui faut trop, donc il travaille 10 heures pour une chose que d'autres peuvent faire en 2 heures, ou la moyenne sociale de 2 heures, son produit ne vaut que 2 heures, les autres 8 heures ont été invalidées. Il va les voir lorsqu'il pense les marchés. Alors, cela n'est pas vrai seulement individuellement, même entre les différentes branches de la production. Alors, lorsque il n'existe pas une concertation de la production, et donc c'est toujours un peu un hasard où on jette plus d'investissements et donc aussi plus de temps de travail, combien on produit. Si on produit trop d'un certain produit qu'on peut vendre, donc cette quantité également est excessive, elle sera dévalorisée sur le marché. Dans ces cas-là aussi, donc la valeur d'un produit donc, qui se révèle finalement inutile est réduite ou même détruite. Donc, la valeur d'un objet donc, n'est jamais le produit simplement du temps effectivement dépensé dans la production, mais dépend ensuite de l'ensemble de la production. Même Marx n'a pas toujours été complètement clair sur cette question. Oui. Voilà d'ailleurs. C'est aussi Robert Kurz dans son dernier livre qui insiste beaucoup sur cette question. Robert Kurz, pas encore traduit malheureusement, et que quand même la valeur est quand même toujours produite. Dans une société, à un certain moment, on produit une masse globale de valeur. C'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité de travail productif, c'est-à-dire productif de valeur qui est dépensé par la société. Et après, il y a d'autres mécanismes qui distribuent cette masse de la valeur entre les différents produits, ce qui fait qu'un produit peut réaliser à travers sa vente une quantité de la valeur qui est aussi mineure ou majeure par rapport au travail qui a effectivement coûté. C'est un fait que même beaucoup de marxistes traditionnels, les économistes marxistes, je pense, n'ont pas réussi vraiment bien à comprendre, à focaliser sur cette question. Que on ne peut pas comprendre la logique capitaliste à partir d'une marchandise particulière. Là aussi, il faut dire que l'approche de Marx aussi, là, n'est pas complètement claire, parce que dans les premiers volumes du Capital, Marx analyse la marchandise, juste une marchandise particulière. C'était aussi pour des raisons méthodiques, je pense, impossible de le faire différemment. Mais en vérité, finalement, la destinée d'une marchandise dépend de sa place dans l'ensemble de la production, et pas seulement de ceux qui arrivent avec effectivement une marchandise individuelle. Ce que vous faites aussi quand vous parlez toujours de la table, oui. ça oriente vers une mauvaise piste. Oui, évidemment que c'est une simplification. Évidemment que c'est une simplification. Hein. On va dire que le prix du drone oui. échappe au calcul de la valeur. Parce qu'il permet ailleurs la réalisation de valeurs différentes. Bah, après, il y a aussi le prix est très élevé parce qu'il garantit l'extraction de la valeur. Oui, donc il échappe au calcul économique. Il y a aussi la question évidemment des monopoles. Par exemple, les biens informatiques, par exemple, ne représentent pratiquement aucune valeur. Par exemple, la multiplicabilité, on peut le dire. Après, infini, par exemple, d'un logiciel fait que pratiquement un logiciel ne représente pratiquement qu'une dose homéopathique de travail. Quand même, on peut obtenir un certain prix parce qu'il y a une redistribution après, donc on verra ces catégories. Donc, en vérité, ce qui met en effet en crise aussi la société capitaliste, c'est la diminution de la masse totale des valeurs. Parce qu'évidemment, il y a toujours moins de valeurs effectivement productives qui est nécessaire pour la production des marchandises. Mais après, il peut bien arriver, tandis que même aujourd'hui, par exemple, une pomme de terre représente une quantité de travail majeure, probablement qu'un logiciel, parce qu'il faut quand même encore un certain travail réel pour le faire. Mais dans le mécanisme de réalisation de la valeur, de la plus-value font que probablement le logiciel, tout en contenant moins de valeur, finalement réalise un prix plus élevé que la pomme de terre. Mais différemment de ce qu'on affirme, cela ne invalide pas du tout la exactitude et la justesse de la théorie de la valeur de Marx. Ça démontre seulement qu'il faut penser la valeur comme un phénomène global et pas comme un phénomène individuel. Donc la valeur n'est pas contenue dans une marchandise comme une... comme une petite pain qu'on fait au four. Hein. Parce que rappelons-nous quand même que la valeur est une fiction sociale. La valeur n'est pas quelque chose qui rentre réellement dans la production. Donc c'est quelque chose que nous projetons sur les objets. Selon un mécanisme inconscient est très compliqué, mais n'est pas du tout arbitraire. Il y a des produits, même des travailleurs surévalués, parce qu'ils permettent la réalisation de la valeur en dehors de mon rôle, je ne vois pas pourquoi, ou de paye cher, etc. Il y a aussi des petits génies de l'informatique, des astrophysiciens, qui sont payés très cher pour mettre au point des algorithmes boursiers, financiers, etc. Ils sont payés nettement au-dessus de leur prix de leur force de travail, même s'ils sont pas intelligents. Mais en les surpayant, ça permet, en procurant les flux financiers, etc., de réaliser une valeur pareille. Ça va. Donc il y a des secteurs ou des individus qui échappent au calcul immédiat économique parce que. Oui, mais ça me va comme explication. Oui, mais le problème, c'est justement que la science bourgeoise, très souvent, elle commence avec un cas concret, et tente d'expliquer le tout à partir d'un cas concret. Et là, donc, on arrive toujours à des complications. Absurde. En vérité, l'autre approche, qui est évidemment une approche, si on veut, je pense, inspirée par Marx, tente d'abord à un niveau abstrait, avec un travail conceptuel de saisir les déterminations essentielles de la réalité sociale, et après, éventuellement, d'expliquer le cas qui contredise les lois plus générales, comme par exemple une œuvre d'art ou un drone. Mais si on commence avec un cas, en plus avec un cas très particulier, on n'arrive jamais à comprendre l'ensemble. Et vous avez cité la valeur subjective, en vérité, la conception subjective de la valeur, c'est ce qui a fait l'école marginaliste en économie politique. Oui, qui en vérité s'en fiche totalement du travail, qui s'intéresse à la utilité prétendue et à la rareté, et donc assez caractéristique, leur exemple le plus fameux, c'est le verre d'eau dans les déserts, donc qui a un prix infini parce que c'est la chose la plus précieuse. Mais évidemment, on ne peut pas expliquer la vie économique à partir d'un exemple si absurde et si particulier. Il y a aussi ce qu'on appelle la valeur de réputation. C'est une notion récente en psychologie. Ça s'appelle la valeur de réputation. C'est-à-dire que ce monsieur au Mali, là, même si ça représente une centaine ou même 500 repas, il augmenterait sa valeur de réputation s'il avait ses chaussures. Ce n'est pas du tout récent, c'était le sociologue américain Thorsten Veblen qui, déjà à la fin du 19e siècle, avait déjà introduit la consommation des prestiges. Et donc, voilà. Et après, ça a été remis au bout du jour dans les récentes années en attendant sa valeur de réputation. La fin des loisirs. Oui, mais c'est la théorie de Veblen sur la consommation ostentatoire, qui d'ailleurs a quand même créé une certaine confusion. Parce que certains esprits ont plus ou moins mélangé cette conception avec l'idée des valeurs d'échange. Donc la valeur d'échange, en vérité, bon, selon Marx, n'est simplement que l'expression monétaire de la valeur. En vérité, la valeur d'échange est simplement une marchandise qu'on obtient d'un échange d'une autre, et dans la pratique, c'est la quantité de métal précieux ou d'argent qu'on obtient. Mais surtout dans les années 50, 60, 70, on avait une grande confusion. D'une certaine manière, on a, d'une manière assez associative et intuitive, sans rigueur théorique, on a interprété la valeur d'échange. Justement, on l'a confondu justement avec cette valeur de prestige en disant par exemple que la valeur d'échange d'une grosse bagnole c'est justement pratiquement le prestige social qu'on achète avec cette bagnole, ce qui effectivement est vrai. Là on va sur tout autre niveau, et de toute manière là on arrive plutôt à la question des valeurs d'usage, et la valeur d'usage de beaucoup de produits aujourd'hui réside effectivement dans leur prestige. C'est quand même une forme perverse de la valeur d'usage, et ça n'a rien à voir en vérité avec la valeur de change. Ce qui démontre d'ailleurs que des observations, même assez justes, par exemple sur la société de la consommation, ont souvent été formulées d'une manière qui, au plan conceptuel et théorique, ont souvent été assez peu rigoureuses. Donc, est-ce qu'il y a peut-être aussi d'autres thèmes encore que, selon vous, il faudrait... Donc, alors, la prochaine fois, donc, parce qu'il est maintenant trop tard, donc, je vais donc, alors, encore d'abord un peu tenter d'éclaircir qu'est-ce que ça veut dire le terme même forme-sujet, en quoi la forme-sujet est quelque chose de différent de nature humaine ou de l'individualisme, et quelque chose qui est une formation sociale historique, donc, des derniers siècles. Et donc, on va donc. Donc, voir comment la forme sujet naît de la haute décomposition du christianisme à la fin du Moyen-Âge, comme justement Descartes, et là on l'a déjà un peu fait l'année dernière, le premier pratiquement qui exprime ce narcissisme et solipsisme de l'homme moderne, donc qui doute de tout, pratiquement qui trouve que la seule réalité est son moi, un moi totalement abstrait, donc un moi qui se définit justement par son absence totale de toute qualité, de tout lien avec le monde. Donc là, Descartes fait comme un gros pas en avant, on peut dire, vers l'homme moderne. Et justement, il le fait justement en définissant en vérité avec une espèce d'individu complètement narcissique, pratiquement qui n'a pas de relation objectale, aurait dit trois siècles plus tard le psychoanalyste comme Melanie Klein. Parce que l'individu de Descartes, la seule chose qu'il sait, c'est qu'il existe. Déjà, tout le monde matériel et même son propre corps, de certaine manière, n'y arrive dans un deuxième moment comme une espèce de vague hypothèse, donc on n'est jamais trop sûr. Après, on va voir un peu plus dans les détails la philosophie d'Emmanuel Kant, surtout sa philosophie pratique éthique. Donc Kant passe très souvent par une pensée de la liberté, de l'émancipation. Il est, par exemple, pour les déjà cités, Danny Robert Dufour évoque Kant comme une espèce de penseur du sujet libre contre le sujet narcissique de la modernité. Moi, au contraire, en m'appuyant aussi sur les travaux de la critique de la valeur, je veux démontrer que Kant exactement prônait les sujets modernes vides, qui obéit aux lois en tant que loi, son contenu, que la liberté pour Kant consiste exactement dans la liberté de toute détermination, donc ça veut dire consiste dans le fait de se tenir éloigné de tout contenu concret, et donc de la seule liberté pour Kant est le fait d'obéir aux lois morales, pratiquement toute inclination, tout sentiment, toute empathie, tout désir pour Kant est déjà une espèce de violation de cette espèce de liberté intérieure totale. Donc là aussi, l'état Kant est aussi plutôt une prophète du sujet moderne. En plus, Kant ne se fait pas de problème de dire que ni les femmes, ni les nègres, comme elle dit, peuvent être des sujets. Donc elle faisait aussi partie de cette définition pas du tout universel du sujet. Et donc, je vais vous lire quelques passages, donc aussi pour démontrer qu'on se fait souvent une idée absolument exagérée de la valeur de la philosophie de Kant. Non, parce que vous trouvez très peu de critiques de Kant, vous trouvez au contraire des philosophes comme André Tozel qui a écrit un livre sur le Kant révolutionnaire. Donc, on affirme souvent en Kant, on trouve les bases d'une pensée de la démocratie, de l'individu qui accédait à l'état de la majorité, comme disait Kant. Donc je ne veux pas dire que le rôle de Kant se réduit à celui d'être un idéologue de l'imposition du capitalisme. Peut-être je ne suis pas si unilatéral comme mon ami Robert Kurz, mais au moins cet aspect est assez fort chez Kant, et d'ailleurs Kant n'aurait jamais pu être le philosophe de la bourgeoisie s'il n'avait pas exprimé de manière parfaite exactement cette espèce de auto-violence qui se fait des sujets modernes. Et après je vais parler un peu, je l'ai déjà fait dans un article, je ne sais pas si quelqu'un l'a lu, je vais parler de l'autre alter ego apparemment de Kant, c'est-à-dire du marquis de Sade. Le marquis de Sade se place apparemment le contraire exact de la philosophie kantienne, mais comme déjà d'autres aussi ont remarqué, il y a finalement une curieuse ressemblance entre leur approche. Aussi pour Kant, l'individu doit complètement se libérer de tout ancrage dans le monde extérieur, surtout de tout lien sentimental avec les autres, et considérer les autres seulement comme des instruments de son propre désir. Ce qui, souvent parfois considéré comme une grande prophète de la liberté, en général pas par les mêmes qui attribuent ce rôle à Kant, disons, quand peut-être les publics sont un peu différents, mais je pense qu'ils se trompent tous les deux, donc également, donc on ça était aussi un précurseur de la pensée libérale et néolibérale. Il prenait donc absolument le droit du plus fort de faire tout avec ses victimes, et d'ailleurs même au plan économique. Donc il professait des vues absolument libérales, libérales au sens économique. Et donc, comme l'avait déjà dit Adorno et Horkheimer, Simone de Beauvoir, d'autres, donc Sade, tout en étant donc évidemment maudit qu'il a été longtemps, mais aussi un des fondateurs, même plus secret, de la pensée du narcissisme moderne et de la mentalité bourgeoise. Et on peut dire la même chose, mais je ne sais pas si je trouve le temps d'en parler, d'un autre philosophe, entre guillemets, noir, c'est-à-dire maudit, c'est-à-dire Max Stirner, donc le philosophe de l'égoïsme total, considéré comme un des fondateurs de l'anarchisme, mais qui également, dans sa réduction totale du monde au moi, comme il dit, rien pour moi est plus important que moi, disait Stirner, peut également être considéré effectivement une précurseur du narcissisme moderne, mais Stirner comme Sade avait le tort de dire les choses un peu trop directement, sans fleur, ce qui les faisait détester par les mêmes bourgeois, donc il était en vérité des idéologues, il les faisait parfois adorer par, en vérité par les ennemis de la société capitaliste, d'une certaine manière, qui se enthousiasmaient donc en vérité pour leur cynisme. On aurait pu faire, évidemment, on pourrait faire les mêmes considérations sur la naissance de la forme sujet par rapport à beaucoup d'autres philosophes du 19e siècle, notamment pour Hegel et Schopenhauer, mais si on le fait, on ne fera plus rien d'autre. Donc, je pense.